Audiomatique. Thank you. C'est le projet ukrainien R.RO, ou pour le dire en français, R.ROO. Donc, projet ukrainien qui lançait la transmission 1-2-0 d'Audiomatique avec sa pièce Night Traveler with Clear Eyes, tirée de son excellent album Nothing. Les électronistes qui sont heureux de vous accueillir à cette autre émission Audiomatique et qui, tout au long de la prochaine heure, vous suggéreront une programmation de musique ayant en commun le genre électronique. Si jamais vous avez des commentaires, suggestions, demandes spéciales, vous pouvez nous joindre à notre adresse audiomatic@gmail.com. Sans plus attendre, voici le projet américain On Woman. Bonne émission! Synagogue and mosque lend our communities their humanity, and they will have an honored place in our plans and in our laws. Fills time and eternity with his purpose. Yet his purpose is achieved in our duty. We'll be right back. because we are guided by a power larger than ourselves, who creates us equal in his image. J'ai été témoin hier soir de quelque chose d'inexplicable. Ce qui nous arrivait était tellement insensé que si c'était une histoire inventée, personne n'y croirait. Non, j'ai confiance dans mon intuition. Ces gens-là ont été choisis au hasard. C'était eux, ça aurait pu être d'autres. Ils n'ont rien de spécial. Ils sont simplement tombés au bon endroit, au bon moment. Oh, À Audiomatique, la dernière pièce de cette séquence était l'œuvre du groupe français Backstab et s'intitule « L'œil du clone ». On la retrouve sur le premier album complet de Backstab, intitulé « Aiki Taiso », paru en 2002. Tout juste avant, nous avions droit à la musique de la chanteuse et violoncelliste américaine Erika Malky, qui est derrière le projet « On Woman ». De son premier album « Knowledge Scars », nous entendions la chanson « Freedom from Religion ». Nous poursuivons maintenant d'un côté plus ambiant avec le projet « Fingers in the Noise » qui nous offre à l'instant sa pièce « Sensitive Mind ». Thank you. On terminait cette séquence de deux pièces avec le projet Murkoff de l'artiste mexicain Fernando Corona. La pièce que nous avons entendue, soit Lolly's Turkery, as interpreted by an advance script, se retrouve sur l'album The Versailles Sessions. Soulignons que cette œuvre a été composée en 2007 à l'origine pour l'événement Les Grandes Eaux Nocturnes qui se tient à Versailles. Les pièces de cet album sont toutes composées à partir d'instruments baroques du 17e siècle. Et avant Murkoff, nous écoutions Fingers in the Noise et Sensitive Minds, pièces qui paraissent sur la compilation Enfold One offerte gratuitement par l'étiquette de disque Ultimate Records. Audiomatique avec les électronistes se poursuit avec la musique du groupe Drown. there is no G but faith. And when for one reason or another we attempted to change these hard times, our own genetic identity became our only true ally to finally survive. Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le trio français Télépop Musique. De leur premier album paru en 2001, nous avions droit à la pièce-titre, c'est-à-dire Genetic World. Précédemment, les électronistes vous présentaient le duo néo-zélandais Pitch Black avec la pièce Big Trouble Upstairs de leur troisième album Ape to Angel. Et ce qui amorçait ce bloc, c'était la musique du groupe américain Drown et la chanson Longing de leur premier album Hold On to the Hollow, paru en 1994 et réalisé par David Ogilvy, qui a longtemps travaillé avec le groupe canadien Skinny Poppy. C'est sur les rythmes du projet argentin El Remolón que se conclura la transmission 1-2-0 d'Audiomatique de l'album Senderos. Nous entendrons la pièce Calma Chicha. Une autre transmission qui s'achève et qui ira bientôt rejoindre le répertoire d'Audiomatique sur nos plateformes comme facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique.

La planta se cae en la rama.